Les footballeuses coréennes ont battu le 29 novembre les Américaines par le score de 2 à 1 à la demi-finale de la Coupe mondiale de moins de 20 ans 2016 de la FIFA. Elles se sont qualifiées ainsi pour la finale prévue le 3 décembre. Elles la disputeront avec les Françaises.